Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Qui a accumulé les éloges depuis un an. Un artiste qui s'est rendu en demi-finale du Festival de la chanson de Granby en 2009 et au final des Francouvertes en 2010. Il a aussi été nommé étoile montante au Gamic 2010 et son premier album de Lune à l'aube est sorti en août dernier et c'est l'album révélation de l'année dans la catégorie musique francophone sur iTunes Canada. Finalement, c'est aussi un chouchou de la station quand même, Mathieu. T'es d'accord? Ben oui. Vraiment un chouchou de la station. On accueille Alex Nevsky qui est avec nous. Oui, allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, oui, oui. Alors, il y a une semaine exactement, tu as fait ta rentrée montréalaise au Club Soda et en plus, c'était le jour de ta fête. Comment ça s'est passé? Vraiment bien. Une belle fête, là. Ça, tout a super bien été. Je sais pas, c'était un peu intense, là. Tout arrivait en même temps, fait que je suis un peu en train de digérer tout ce truc-là, là. Mais ça a bien été. Dans une petite ambiance de party de sous-sol, en plus. Ouais, on a poussé le concept un peu loin, mais ça a vraiment bien marché. C'est cool. Et t'as joué deux nouvelles pièces, Crayon et Il cherche. Ton album est sorti il y a juste 6 mois et t'as déjà des nouvelles pièces. Ouais, ben en fait, je pense qu'il y en a même... Il y en a 4 nouvelles dans le spectacle, en fait. OK. Puis, qu'on va faire aussi à soir, là, à Trois-Rivières, mais ouais, je suis encore vraiment je suis constamment en composition, là, dans le fond, fait que, mais c'est sûr que ils vont pas être toutes, je sais pas trop où je m'en vais avec ce que je viens de dire, là, mais on essaie d'en intégrer le plus possible de nouvelles, parce qu'étant donné que l'album est juste 43 minutes, puis qu'il faut faire un show d'une heure et quart, on a comme pas le choix non plus. Puis dans le fond, est-ce que tu penses que tu vas avoir un album dans la prochaine année ou tu penses que ça va aller plus loin? Ah non, c'est sûr que ça sera pas avant dans peut-être un an et demi, là. Faut ça prend du temps à un album d'aller à son plein potentiel, puis tu sais aussi, puis de te faire connaître. Fait que je pense que peut-être dans un an et demi, mais vraiment pas avant ça. Mais on va faire un petit EP, c'est sûr, avant ça, peut-être à l'automne prochain. De toute façon, ton album, ça fait juste 6 mois qu'il est sorti, donc on peut encore en profiter pour un bon bout de temps avant de... Ouais, c'est ça. C'est ça. On commence à peine à faire les spectacles, là, fait qu'on est vraiment pas tanné de faire ces tunes-là. Et on va parler de ton premier album, De Lune à l'aube. L'album se promène dans plusieurs styles. Il y a du rock, du pop, il y a même du slam sur la pièce Tristessa. C'est un album assez joyeux en général, amoureux, même parfois naïf, malgré qu'il y a quelques chansons un peu plus sombres. Est-ce que tu trouves ça difficile de faire de la musique pop sans rentrer dans les clichés, dans les déjà-vus? Je peux pas vraiment... Je sais pas si moi je rentre dans les clichés ou tout ça, mais tu sais, je sais pas, le pop c'est vraiment large, tu sais. Au même titre, c'est ça que l'album va de Tristessa à 1000 raisons, fait qu'il y a pas une unité pop dans le truc, puis je sens que moi ce que je veux c'est juste pousser chaque chanson à son maximum, tu sais, pas y aller forcément vers la pop ou pas essayer d'être le plus à gauche possible, mais si la chanson mérite un arrangement pop, puis on va le faire, c'est ce qu'on a fait avec le Real, avec Yann, mais en ce moment, je pense que je vais juste faire les chansons qui me représentent le plus, puis ça, c'est ça, je pense que l'unité, elle a peut-être un peu de difficulté à se créer, mais en show, ça se fait super bien. Mais ça fonctionne quand même bien, parce que quand on pense à des albums qui sont toutes des chansons pop, je pense par exemple à un artiste assez commercial, le Mika, c'était tellement rose bonbon qu'on n'était plus capable après un album pendant que quand on voit des chansons qui changent d'un style à l'autre, ça, on se tanne pas du tout de quand on écoute l'album plusieurs fois. Du moins, c'est ce que je pense. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais en tout cas, nous autres, on s'est pas encore tanné depuis le mois d'août. Il y a quand même, à date, il y a 3 pièces qui ont été sur le palmarès. Il y a eu Notre cœur sous les stroboscopes. Et là, c'est 1000 raisons qui est au palmarès, justement, avec le nouveau clip. Yeah, good. Et justement, parlant du clip, tu as été accueilli sur le plateau de Musique Plus pour l'émission Palmarès et l'Univers pour parler du clip 1000 raisons, qui a aussi été boss clip en janvier. Est-ce que c'était étrange de se retrouver à Musique Plus quand ça fait tellement... peu de temps que tout est arrivé? On dirait que tout arrive tellement vite pour toi. Ouais, quand même. C'est... Ben, tu sais, on avait déjà été accueillis à Musique Plus, peut-être en mai dernier. Je pense que c'est la troisième fois que j'y allais, en fait. Mais, tu sais, pour le clip, ouais, c'était étrange. Puis, c'est quand ça, c'est avant-hier matin, j'étais dans un resto de déjeuner, puis il y avait mille raisons qui jouaient ses écrans, comme, puis, dans le palmarès, Musique Plus, puis je trouvais ça vraiment étrange, là. Puis, mais c'est le fun de voir que dans plein de sphères, à différents niveaux, autant c'est ça, les radios universitaires que les radios plus commerciales embarquent autant, c'est vraiment excitant, puis je pense que ça envisage bien là. On espère que ça ne cessera pas trop vite. En fait. Est-ce qu'il y a un autre clip qui va s'en venir prochainement? Est-ce que tu as déjà fait un clip récemment? Non. En fait, je pense. Non, je suis même pas sûr, en fait, ça va être quoi. On est encore en train de parler du prochain single. C'est pas officiel encore, fait que je pense que je dirais un peu n'importe quoi. Bon, ça reste à voir. Ouais. On sait que tu as beaucoup travaillé avec Yann Perreault. Il t'a invité à faire la première partie de son spectacle. Il a aussi réalisé ton album. Et on a même pu te voir faire quelques pas de danse dans son clip « Le président danse autrement ». Ça a dû donner quand même tout un coup de pouce de pouvoir travailler avec un artiste quand même assez connu. Ouais. Ben au-delà du coup de pouce médiatique, si on veut, c'est que dont les médias se sont servis pas mal pour parler de moi. Comme à chaque fois qu'on parlait de moi dans un article, il y avait le nom d'Yann Perreault environ le double de fois. Mais c'est ça justement, tu sais, c'est ça. Ça a servi, mais là moi c'est plus au niveau humain puis au niveau musical, c'est que Yann a été là pour moi puis qui m'a appris un tas de trucs puis qui m'a donné confiance en moi, tu sais. Puis ce travail là qu'on a fait depuis 2 ans et demi, ben ça a été plus utile que le rapport médiatique qui m'a amené. Mais là je pense que ouais, c'est ça, on est heureux de voir que les journalistes ou whatever commencent un peu à pas nous dissocier là, mais tu sais que je commence à avoir ma propre identité. Puis on essaie de pousser ça le plus loin possible là, parce que le rapport est évident, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant, je pense. De toute façon, tant qu'à moi, même si on n'avait pas vu son nom dans les médias, probablement que tu te serais quand même rendu où t'en es là, même sans le coup de pouce médiatique. Là. Ouais, mais peut-être l'espoir. Un petit peu moins vite, je pense. Mais quand même. Ouais, c'est sûr, le travail est le même. C'est juste que peut-être qu'il y aurait eu moins d'attention à la base. Est-ce que vous avez d'autres projets dans le futur que vous allez peut-être faire ensemble, toi et Yann Perreault? Là, on parle de faire le party pas mal. Sinon, c'est tout. On n'a pas d'autres projets ensemble pour le moment. Ça va vraiment... non. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que je vais toujours rester un conseiller, là, vraiment. Mais pour ce qui est du prochain album, on sait vraiment pas encore, mais je pense que j'irais peut-être voir ailleurs, là, voir un peu ce qui se passe avec d'autres gens, même si le travail avec Yann a été vraiment inspirant, puis ça a donné un résultat que moi, que j'adore, tu sais, mais je pense que c'est surtout au niveau des textes puis de tout ça que Yann va rester présent parce qu'il est vraiment un super bon conseiller. Et à part Yann Perreault, tu as aussi travaillé avec Fab de Random Recipe, qu'on peut entendre dans la pièce sous les stroboscopes. Il y a aussi Fanny Bloom de La Patère Rose qui est choriste. Et Kilo Jules de Mister Valère qui était présent la semaine dernière à ta rentrée montréalaise. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui tu n'as pas encore travaillé et avec qui tu rêverais de travailler, par exemple pour un prochain album, sans aucune limite, un artiste avec qui tu rêverais de travailler? Il y en a plusieurs, en fait. Il y a Oxmo Puccino, avec qui je voudrais vraiment faire une tune. Il y a peut-être aussi So Cold, avec qui j'aimerais travailler. Sinon, tu sais, il y a des filles magnifiques, là, comme Emily Ames ou... C'est un classique. Tu sais, là, des rêves, là. Mais, c'est sûr. Il y a Gaétan Roussel aussi. Je veux vraiment faire quelque chose avec Gaétan Roussel, le chanteur de Louise Attaque. OK, oui. Qui est sorti un album solo, moi, ça me fait capoter. Puis justement, il va dans plein. Tu sais, je trouve que l'album est assez éclectique aussi, mais qui a une plume formidable. Je pense que ça serait lui vraiment la plus belle collaboration pour le prochain album, mettons. Et c'est drôle, tu as mentionné Emily Haynes et on avait eu en entrevue l'été dernier Random Recipe et on a posé la même question et eux aussi ont répondu Emily Haynes. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Et justement, parlant d'artistes, est-ce que tu écoutes un artiste en particulier ces temps-ci que tu pourrais peut-être nous faire découvrir? Oui, il y que l'album, ben en fait vous le connaissez sans doute, mais c'est un ami à moi qui Antoine Corriveau. Oui. Qui est sorti, c'est qui vient de Trois-Rivières en fond, je pense, Antoine. Qui a sorti l'album Saint-Maurice-Logan, je pense que c'est ça le nom de l'album. En tout cas, bref, j'ai été faire une toune avec lui là-dedans, puis c'est vraiment cool là. Puis ben moi en ce moment j'écoute ça, puis aussi un peu le vraiment pas un artiste que je vais vous faire découvrir, là, mais l'album solo piano de Pierre Lapointe. Oui. Sinon, avant, hier, j'ai écouté l'album de PJ Harvey, le dernier. Ah, je ne l'ai pas encore écouté, lui. Incroyable, vraiment. Je l'ai écouté 5 fois de suite. Puis, ouais, c'est vraiment un beau buzz là, que c'est payé. Très cool. Il va falloir qu'on écoute ça. Ouais, vraiment. Au mois de mars, tu vas passer le mois de mars en Chine en tant qu'élu québécois de la semaine de la francophonie. Tu vas avoir une quinzaine de spectacles. Comment est-ce que tu penses être accueilli là-bas? Est-ce que ça te stresse? Ben moi, je pense que quand on va arriver à l'aéroport, il va y avoir des feux d'artifice et plein de trucs. Je pense qu'on va vraiment être accueilli en roi. Mais non, pour de vrai, on s'attend pas à grand-chose des salles de la Chine et tout ça. Pareil que c'est vraiment pas les mêmes conditions qu'en Amérique du Nord, là. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai aucune idée là, de ça être quoi les réactions. Il y a à plusieurs endroits, comme à des universités où on va jouer à Beijing ou whatever, ils ont fait traduire les paroles des chansons en mandarin, tu sais, puis les gens, ils vont pouvoir suivre avec leur feuille, tu sais, dans les mains, tout ça, mais je sais pas, là. Je m'attends à une belle rencontre avec le pays, mais par rapport au spectacle, aux réactions, c'est vraiment flou en ce moment. Ça va quand même être une belle expérience. Est-ce que tu penses avoir le temps de visiter un peu le pays? Très peu, en fait. C'est ça, on a presque un show par jour, en fait. Je pense qu'on a comme 3-4 journées de congé. Mais à la fin, on va jouer à Bangkok, en Thaïlande, 2 spectacles. OK. Puis, dans le fond, après ça, on va avoir 5 petites journées de congé pour aller dans les îles. Ça va être là vraiment notre vacances, mais sinon, on va être vraiment tout le temps dans le transport, puis on va essayer de vivre la nuit le plus possible. Donc, ce soir, tu es en spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson, centre-ville de Trois-Rivières, un peu dans le même style que le spectacle de la semaine dernière, ambiance, partez tout seul, tout le kit? Ambiance, ouais, ça va être sympathique, c'est clair, là, mais on sera pas dans le sous-sol, non, on va être à un petit party. Je sais pas trop ce qui va se passer. On jam pas mal là, dans les soirées. On sait. Ça va par rapport à... Mais, tu sais, ça va avec le public qui est là et à la réponse qu'on a. Là. Mais ça va être cool, en tout cas. C'est clair. C'est clair que ça va être un bon show. Alors, ça reste à voir. Alors, ce soir, c'est Louis-Philippe Poisson. Et pour terminer, on a l'album. Est-ce qu'il y a une chanson que tu voudrais qu'on fasse jouer, n'importe laquelle? Je sais pas. Ouais, ça me tente d'écouter. Mais, il faut que ça soit une de mes chansons, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a ton album Si j'avais le choix, j'en ferais jouer une de quelqu'un d'autre. Mais on peut entendre Sous les stroboscopes, je pense. Tristesse, elle joue jamais à la radio. C'est vrai, je pense qu'on l'a jamais fait jouer encore, celle-là. Ouais, allons-y avec Tristesse. Parfait. Ça va donner un autre point de vue sur ma musique. Bon, ben c'est parfait. Alors, merci beaucoup et on va se voir ce soir. Salut Louis-Philippe Poisson. Good. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Spectacle. Bye bye. Nos vies dansent sous les stroboscopes, remplir nos têtes de n'oubli dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimance sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli danse sous les stroboscopes.